j'aime bien. Pas juger ici, pas juger l'autre, pas juger là. Juge bien. Pas juger ici, pas juger l'autre, pas juger là. Maman, sous un drôle, pas besoin de crier, pas besoin de les mettre au chien. Maman, sous un drôle, pas besoin de crier, pas besoin de les mettre au chien. Sam, payez bien, pas payez gros dresse, pas payez petit dresse, payez chou. Sam, payez bien, pas payez gros dresse, pas payez petit dresse, payez chou. Docteur, soyez bien. Pas soyez ici, pas soyez l'autre, pas soyez là. Docteur, soyez bien. Pas soyez ici, pas soyez l'autre, pas soyez là. À la valim, la valim. À la valim, la valim. À la valim, la valim. À la valim, la valim. À la valim, la valim, la valim, la valim, la valim, la valim, la valim. Ala la limna malik, ala la limna malik, moi content.